رسولنا، فتعرف الجماعة لغة وسلاحا. الجماعة لغة يعني اسم مصدر اجتمع، يجتمع اجتماعا وجماعة، وصارت لفظة الجماعة تطلق على القوم المجتمعين بالنقل، حتى صارت حقيقة عرفية في القوم المجتمعين. وقال ابن تيمية رحمه الله: الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كانت لفظ الجماعة قد صار اسما للنفس القوم المجتمعين، والجمع اسم الجماعة، اسم لجماعة الناس، اسم لجماعة الناس. والإجماع الاتفاق والإحكام، يقال أجمع الأمر أي أحكمه، ومنه إجماع للعلم أي اتفاقهم على حكم المسألة. Dans la langue arabe, al-jama'a, donc, bien sûr, c'est un nom pour dire un groupe de personnes. Là où il y a des gens qui sont donc réunis, c'est un groupe de personnes, de façon générale. Ibn Taymiyyah a dit, rahmallah, que al-jama'a, c'est l'ijtima, le rassemblement. Et son contraire, c'est la division. Donc, même si al-jama'a, maintenant, ce nom-là, il est connu pour des gens bien, bien spécifiques, c'est-à-dire par rapport aux groupes qui se sont unis. Al-Jam', donc on entend le même nom, hein, c'est le nom de Al-Jama'a, c'est-à-dire le nom du rassemblement des gens. Al-Jam'a, Al-Jam', c'est le rassemblement. Wal-Ijma', le consensus, là où les gens sont unis pour donc donner un décret sur un sujet particulier. Comme quand on dit Ijma', Al-Ilm, le consensus ou bien l'unité des gens de science, pour dire qu'ils sont unis et ils sont d'accord pour dire que tel sujet donc a tel décret. Et dans l'istilah, donc dans le lexique juridique, dans le lexique donc musulman, c'est-à-dire de l'islam, al-jama'a c'est donc le même Tabari dit wal-aqwal fi ma'na al-jama'a yani wa naqalaha anhu Ibn Hajar wa radda al-aqwal ila arba'ati aqwal wa hiya السواد الأعظم من أهل الإسلام. السواد الأعظم من أهل الإسلام. Donc la majorité, la grande majorité des gens de l'islam, de façon générale, la population, les gens de l'islam. Donc on dit que le jama'a ce sont. On dit aussi que le jama'a ce sont a'immatul ulama, al-mujtahidin, al-muttabi'ina, al-manhaj al-firqa al-najiya. Donc les imams qui font les efforts bien sûr d'interprétation et qui suivent la voie, donc de la voie, de le groupe de la voie sauvée, qui suivent alors le chemin de la voie sauvée. Et certains ont dit que c'était as-sahabatu ala wajh khusus, certains ont dit que ce sont que les, ce sont donc les compagnons de façon spécifique, de façon particulière. Et d'autres ont dit aussi al-mujtami'una ala amir shar'i, ala amirin shar'i, ceux qui se sont rassemblés autour d'un émir, donc qui a été donc émir de façon, c'est-à-dire légale. Wa qala al-Shatibi rahimahullah in zada huwa qawlan khamisan wa huwa jama'at ahli al-islam, le groupe des gens de l'islam. Fa hakada. Donc aussi ici donc ma alayhi ahli al-haq min al-ittiba' wa taq al-ibtida' وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على منهاجه وهذا معنى تفسير الجماعة واسم الصحابة أو أهل العلم والحديث أو الإجماع أو السواد الأعظم فهي كلها ترجع إلى معنى واحد وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيجب الاجتماع على الاتباع حينئذ ولو كان المتمسك بهذا قليلا وهذا معنى علمي ويشهد له قول ابن مسعود رضي الله عنه إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. Donc par rapport à cela, donc en vérité on retrouve ici donc que tous ces sens là vont revenir en vérité à deux points, deux positions. On va revenir ici à deux points importants. Le premier point, c'est que le jama'a veut dire en vérité donc là où les gens de la vérité et du suivi sont. Elles ont délaissé aussi donc les innovations. Et c'est donc la voie de vérité, celle qu'il faut suivre obligatoirement, et celle qu'il faut prendre. Et voici donc en vérité le tafsir de Jama'a chez les compagnons, ainsi que les gens de science et de hadith. Et du consensus, ou bien du consensus, ou bien du groupe de façon générale, les Sawad al-Ardam. Tout cela, en vérité, tous ces mots-là vont revenir en vérité à un seul sens. C'est ce que était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Dont il faut donc obligatoirement se rassembler autour. Donc, et de suivre cela. Donc celui, même si celui qui suivait cela se le suivrait de façon, c'est-à-dire minime. Mais le fait qu'il suive un peu de la sunna, déjà il fait partie de la sunna, même si c'était un peu. Et ça, c'est bien sûr donc le ma'na ilmi. Et aussi, on voit par rapport à cela la parole de Abdallah ibn Mas'ud qui dit, certes, le groupe, c'est ce qui est en conformité avec l'adoration d'Allah, même si tu es seul. Même si tu étais seul à faire une sunna et que personne ne la faisait, donc tu fais partie de la jama'a. Deuxième point, ou deuxième sens, c'est al-mujtami'una ala amirin, ala muqtada shar'a, fayajibu luzum hadhihi siyasi, hadhihi, donc siyasi tashhadu lahu kathir min an-nusus shar'iyya. Donc ceux qui sont unis autour du gouverneur, vis-à-vis de la charia, obligés de suivre en vérité ce groupe-là, c'est une obligation. D'accord? Ça s'arrête donc ici. Et il est bien sûr donc interdit de sortir contre cet émir et de sortir contre. C'est-à-dire si tu sors de l'émir, tu sors du groupe parce que l'émir et le groupe, ça ne forme qu'un. Donc il est interdit de sortir de ce groupe, donc automatiquement, de la même façon, interdit de sortir contre cet émir. Et ça, c'est bien sûr par rapport à ce qu'on appelle donc la politique. Et il y a beaucoup de preuves qui viennent montrer cela. Donc ce sont en vérité les paroles les plus connues. C'est-à-dire ces deux-là. Et ce sont les paroles les plus acceptées par rapport aux gens de science, comme Al-Qadi Ibn Al-Arabi. Ibn Al-Arabi et d'autres encore. On retrouve ça dans l'I'tisam, ou bien le Sharh de l'imam Al-Bukhari, il a écrit. Au sens. Donc on a terminé, alhamdoulilah. Barakallahu fikoum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.